إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلازلنا أيها الإخوة والأخوات نأخذ الدروس والعبر والمنهج من مواقف الفاروق الذي أعز الله به الإسلام رضي الله عنه وارضاه. لأن الله عز وجل c'est notre cinquième assise et nous continuons de prendre les leçons à retenir dans les positions et dans la voie du Farouk, du deuxième khalife de cette communauté, l'homme avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a renforcé l'islam, qui est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. فطريق النجاة إخوة الإسلام هو طريق أولئكم الأخيار الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لنصرة دينه وصحبة نبيه حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Et frère en Allah, Azzawajal, la voie pour être sauvé, c'est la voie de ces nobles hommes, de ces nobles compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être les compagnons de son messager alayhi salam, et pour faire triompher sa religion. Le fait de les aimer fait partie de la religion, fait partie de la foi, fait partie de la bienfaisance. Le fait de les détester fait partie de la mécréance, de l'hypocrisie, et du fait de dépasser ses limites. فهنيئا لمن لقي الله تعالى على حبهم لأنه لا يحبهم إلا مؤمن وخاب وخسر من لقي الله وهو يبغضهم لأنه لا يبغضهم إلا منافق هنيئا لمن لقي الله وهو يسير على منهجهم وعلى سبيلهم لأن الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Et heureux il sera dans le comble du bonheur celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala en aimant ses compagnons, les compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam, car ne les aime qu'un croyant. Et il a tout perdu, il a fait la grande faillite celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala en détestant, il est mort sur ce fait-là, sur le fait d'avoir détesté les compagnons, car ne le déteste qu'un hypocrite. Heureux celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection en ayant accompli sa vie sur leur voie et sur leur chemin. Car il est dit dans le verset, le premier parmi les immigrants qui ont quitté la Mecque vers Médine et l'Ansar, les alliés de Médine qui les ont accueillis et ceux qui les suivent à la perfection, Allah les agrée, eux ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. خاب إخوة الإسلام وخسر من لقي الله وهو يسير على منهج غير منهج صحابة رسول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Il a perdu et il est allé à sa perte celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, il est sur une autre voie que la voie des nobles compagnons, radiyallahu anhum ardahum. Car il est dit dans le verset, celui qui prend un autre chemin que le chemin du messager après avoir reçu l'épreuve et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance et sa demeure sera le feu de l'enfer et qu'il mauvaise demeure. et rentre en priorité dans la voie des croyants les nobles compagnons radhiyallahu alayhim. Wa akhwat al-islam afdal hadhihi al-umma ba'da nabiha محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر وبعد أبي بكر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يكون دي بليز الروافض يكون دي بليز السكنين بالنوبل كومبانيون محمد عليه الصلاة والسلام Les plus vertueux de cette communauté après son messager alayhi salatu wasalam, l'homme le plus vertueux c'est Abu Bakr. Et juste après Abu Bakr arrive Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah qu'on déplaise al-Rawafid. Fa ma hiya mawaqif al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah indama mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu certaines positions de Omar ibn al-Khattab durant la vie du prophète alayhi salatu wasalam. Maintenant, certaines positions lors de la mort, la position de Omar ibn al-Khattab lors de la mort du messager alayhi salatu wasalam. Yaqulu Anas فيما أخرج الإمام الترمذي والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى يقول أنس رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء Anas, dans ce hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, par l'imam Ahmad et d'autres, et authentifié par Cheikh Nasr, rahmatullahi alayh, dit Anas de nous dire que le jour où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine, tout a été illuminé dans cette ville. Il y avait une énorme lumière dans la ville. Et quand il y a eu la mort du messager alayhi salam, tout est devenu ténébreux, toute chose est devenue ténébreuse dans la ville. Fandur akhal islam, عندما وصل خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قام صارخا يقول إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات وهذا الحديث إسناده صحيح كما في السيرة لابن هشام وفي تاريخ طبري رحمه الله تعالى Et Allah Azza wa Jal, quand la nouvelle de la mort du messager alayhi salam est arrivée aux oreilles de Omar al-Khattab, il s'est levé criant devant les gens. Et cette version est rapportée dans la biographie d'Ibn Hisham, rahimahullah ta'ala, avec une chaîne de transmission authentique. Et dans l'histoire de Tabari, rahimahullah ta'ala, et chez d'autres. Omar al-Khattab a dit... Des gens parmi les hypocrites prétendent que le messager d'Allah est mort. Le messager d'Allah n'est pas mort, mais il est parti à la rencontre de son souverain, comme est parti Moussa ibn Imran. Et Moussa ibn Imran s'est absenté 40 nuits, et après il est revenu à son peuple après qu'on a dit qu'il était mort. Et Omar de dire, par Allah, le messager d'Allah va revenir, alayhi salatu wassalam. Et il va couper les mains et les pieds de ceux qui prétendent qu'il est mort. Tout ceci, qu'est-ce qui a fait pousser Omar ibn al-Khattab à le dire, l'amour qu'il avait du messager, alayhi salatu wassalam. Et que, comme tous les autres compagnons, il sacrifierait ses parents et tout ce qu'ils ont pour le messager, alayhi salatu wassalam. فعمر بن الخطاب أخذ يتوعد الذين يقولون إن محمدا قد مات وبينما هو كذلك جاء أبو بكر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله ثم خرج فخطب الناس فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Et Omar ibn al-Khattab, dans ses paroles, a commencé et continué à avertir ceux qui disent que Muhammad est mort. Alors qu'il était dans cette situation, tout d'un coup est arrivé Abu Bakr Siddiq et il est allé directement à la pièce de Aisha radiallahu anhu ardaha. Il a retiré le drap qu'il y avait sur le messager alayhi salatu wassalam et il l'a embrassé sur son front et il lui a dit: tu étais bon vivant et tu es bon mort. Et il est sorti et il a fait un exhorte aux gens. Il leur a dit: celui qui adore Muhammad, Muhammad est mort. Et celui qui adore Allah, Allah il est l'éternel vivant qui ne meurt pas. Et il leur a cité le verset: certes Muhammad est le messager. Muhammad n'est que le messager. Avant lui sont passés d'autres messagers. S'il meurt ou si on l'assassine, vous vous retournez sur et vous revenez à la situation dans laquelle vous êtes. Celui qui retourne à la situation dans laquelle il était, il fera aucun mal à Allah Azza wa Jal, et Allah subhanahu wa ta'ala récompensera les reconnaissants. Regardez ici, frère en Allah Azza wa Jal, dans ce moment de difficulté, l'homme de science par excellence de cette communauté, comment il a réagi. Abu Bakr est allé voir lui-même et quand il s'est assuré de la mort du prophète, il est rentré, il a fait l'exhorte directement à la communauté et il leur a rappelé, il leur a annoncé la nouvelle et il leur a rappelé le monothéisme. Certes Muhammad est mort et Allah, celui qui adore Muhammad, Muhammad il est mort alayhi salatu wassalam, et celui qui adore Allah, Allah il est éternel vivant. Cela veut dire, et il leur a cité le verset du Coran, que au moment où beaucoup ont oublié ces versets, au moment où il y a eu cette catastrophe et cette nouvelle de la mort du messager alayhi salatu wassalam qui est arrivé aux oreilles des compagnons, ils ont tout oublié parce qu'ils l'aimaient plus qu'eux-mêmes. Et là, l'homme de science par excellence, et le plus grand homme de science de cette communauté à cette époque-là, il s'est levé, il leur a rappelé le monothéisme, il leur a rappelé la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cela prouve qu'au moment des grandes difficultés, des gens oublient les textes. Mais quand on leur rappelle, quand l'homme de science par excellence leur rappelle, il revient au même, comme il est arrivé à cette communauté des nobles compagnons. Ibn Abbas de dire: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. Ibn Abbas de nous dire, comme il est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala, que par Allah, les gens, c'est comme ils ne savaient pas que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset dans lequel il s'agit de la mort de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et quand Abu Bakr Siddiq l'a récité, les gens l'ont accueilli. Et il a dit: j'ai entendu les gens le réciter dans les ruelles après. قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض حين سمعته تلاها وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Et Omar de dire, dans la même version de ce hadith chez l'imam Bukhari, par Allah, quand je l'ai entendu, j'ai entendu Omar ibn al-Khattab réciter ce verset que Muhammad, certes, était un messager avant lui, il y a eu d'autres messagers, etc. Il a dit: je suis tombé, mes pieds ne pouvaient plus me retenir, je suis tombé par terre. Quand je l'ai entendu la réciter, et j'ai su que le messager d'Allah est mort. Regardez, Omar ibn al-Khattab avait l'épée dans la main, il disait, et il avertissait les gens qui disaient que Mohammed était mort. Mais regardez, quand il a entendu la parole du grand homme de science de la communauté, et il a entendu le verset, il est revenu à lui-même. C'est pour ça, quand il nous arrive des catastrophes, il faut qu'on oriente nos catastrophes et cette situation vers qui? Vers les hommes de science dignes du nom, pour qu'ils ils donnent le verdict et le comportement adéquat à la situation. Ça, ce sont des leçons. C'est la première leçon à retenir. veut Omar ibn Khattab après la mort du messager alayhi salatu wassalam. كذلك من مواقفه في البيعة لأبي بكر. Et regardez maintenant la, sa deuxième position au moment de l'allégeance à Abu Bakr après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Le deuxième jour de la mort du messager alayhi salatu wassalam, une fois le messager enterré, le lendemain matin, Omar. La base virale VPS a été mise à jour. في اليوم التالي بايع في اليوم التالي الذي يلي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع عمر أبا بكر في سقيفة بني ساعدة ثم قام في المسجد اليوم في اليوم الثاني فخطب بالناس وحثهم على بيعة أبي بكر ثم قام فبايعه وتتابع الناس يبايعونه البيعة العامة. Et le jour, juste le jour après la mort du messager alayhi salatu wassalam, Omar ibn Khattab a fait l'allégeance à Abu Bakr Siddiq selon Brel de Banu Sa'ida, où se sont réunis les Ansar qui voulaient choisir un émir parmi eux. Et après, le lendemain matin, Omar ibn Khattab s'est levé dans la mosquée, il a fait une khutba aux gens, il les a incités à faire l'allégeance à Abu Bakr Siddiq. Il s'est levé, il lui a refait l'allégeance et les gens l'ont suivi. Ils ont fait l'allégeance générale à Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu wa arda. Abu Bakr wa Umar ridwanullahi alayhim yadhhabuna ila Umm Ayman kanat hadinatan li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa khadimatuhu fi at-tufula fa kanu yadhhabuna ilayha kama kana yadhhabu ilayha Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr wa Umar ridwanullahi alayhim, après la mort du messager alayhi salatu wassalam, ils allaient à Umm Ayman, c'était la nourrice du messager d'Allah, Zawjalim, sa servante durant son enfance. Et ils allaient la voir parce que le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, allait la voir. يقول أنس رضي الله عنه وارضاه قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن وكانت حاضنة لرسول الله وخادمته في طفولته أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر زوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكي كما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إيه regarde Anas de nous dire, comme il est rapporté chez l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, qu'un jour Abu Bakr a dit à Omar, après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, viens, on va aller visiter Umm Ayman qui était la nourrice. Umm Ayman était la nourrice du messager alayhi wa sallam, sa servante durant son enfance. Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a libéré quand son mari Zayd a atteint un certain âge. Et Abu Bakr a dit à Omar ibn Khattab, viens, on va aller visiter Umm Ayman comme le faisait Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, ils font vivre la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Et quand ils sont arrivés chez Umm Ayman, Umm Ayman a pleuré. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Tu sais que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à son messager chez lui est mieux pour le messager d'Allah. Il leur a dit, je ne pleure pas par le fait de ne pas savoir que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à son messager c'est mieux. Mais je pleure parce que la révélation s'est coupée du ciel. Et là aussi ils ont pleuré. Hein? Et là aussi leurs larmes sont sorties et ils ont pleuré. Beaucoup radiyallahu anhum wa ardahum. فرسولنا إخوة الإسلام صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وجاء الصديق فحارب المرتدين حيث أعادهم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم Et notre messager, alayhi salam, a laissé notre communauté sur une voie claire. La nuit et le jour sont identiques sur cette voie. Nous divise de cette voie que celui qui cherche sa perte. Abu Bakr Siddiq a combattu ceux qui ont apostasé jusqu'à les ramener à la voie sur laquelle était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwat al-Islam, لما كان من مقاصد قيام الدولة الإسلامية حراسة الدين فإن أهم ما قام به الفاروق القيام بهذا المقصد وهو حفظ أصل الدين بحمل الناس على العقيدة الصحيحة الصافية التي تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحارب رضي الله عنه شبهات الزائغين ورد كيد أعداء الدين الذين يروجون للعقائد المنحرفة والخرافات المنكرة التي زين لهم الشيطان فظنوا أنهم يحسنون صنعا فإن الله عز وجلكم l'un des plus grands buts de l'accomplissement de l'État islamique c'est de protéger la religion. L'une des choses la plus importante parmi les choses importantes qu'a accompli Omar ibn Khattab radiyallahu anhu arda, c'est d'accomplir ce but principal qui est le fait de préserver le fondement de la religion, le monothéisme, et d'imposer aux gens, d'orienter les gens vers les croyances authentiques, vers les croyances pures sur lesquelles le messager d'Allah Azza wa Jal les a laissées. Et il a combattu toute forme d'ambiguïté, et il a combattu toute forme de gens qui déviaient, et il a répliqué et rejeté les manigances des ennemis de la religion. Et il a répliqué aux ambiguïtés que propagent les gens qui ont des croyances déviantes, et que propagent ceux qui vivent sur les histoires à dormir debout, que Shaitan leur a embelli. Et ils croient qu'ils étaient sur une bonne voie. Mais Omar ibn Khattab a tout combattu. De là, que tu comprennes, contre les hommes de science, comme Cheikh Ubayd, Hafidahullah Ta'ala, Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, et les autres Mashaïkh, comme Cheikh Zayd, et les autres, et Cheikh al-Fawzan, et les autres, quand ils répliquent aux innovateurs, à ceux qui propagent les ambiguïtés, qu'ils ont un aïeul très important, qui est Abu Bakr Siddiq et Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala, anwarda, qu'ils ont rien ramené de nouveau, que ce n'est qu'une voix qu'ils suivent, sur laquelle était Mohammed a.s. et sur laquelle étaient les nobles compagnons, et à leur tête les plus grands hommes de cette communauté, Abu Bakr et Omar Ridwanullah al-Jami'. وهذه بعض المواقف التي تشهد للفاروق في حمايته للتوحيد ومحاربته للبدع. Et voici certaines positions de Omar ibn Khattab qui te montrent comment il défendait le monothéisme, comment il combattait l'innovation, comment il combattait l'associationnisme et comment il était dans le suivi du messager alayhi salam. لما جاء عمر بن الخطاب إلى الحجر الأسود قبله ثم قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك إنه الاتباع في أحسن صوره وأجمل معانيه إخوة الإسلام. عمر بن الخطاب كنت il est arrivé et qu'il y avait beaucoup de monde à la Mecque quand il est arrivé en étant déjà un prince des croyants. Et il a embrassé la pierre noire et il a dit par Allah, je sais que tu es une pierre qui ne fait ni le bien ni le mal. Et c'est parce que j'ai vu le messager d'Allah t'embrasser, c'est pour ça que je t'embrasse. Il l'a embrassé par suivi du messager alayhi sallam. Ça te prouve quoi? Allahu Akbar. C'est le suivi à la perfection. C'est le suivi dans sa splendeur et dans sa plus grande signification. قال ابن حجر رحمه الله قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام فخشي أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. Ibn Hajar de nous dire, nous rapportons de Tabari, il dit, Tabari a dit, certes Omar ibn Khattab a dit ce qu'il a dit aux gens parce que les gens étaient nouveaux, Il y avait beaucoup de nouveaux convertis et l'adoration de l'association n'était pas loin d'eux. Il a eu peur de que certains ignorants croient que le fait de toucher ou d'embrasser la pierre noire, c'est le fait de la vénérer. C'est un acte, c'est qu'on peut vénérer certaines pierres, comme le faisaient les Arabes pendant la période pré-islamique. Et Omar voulait apprendre aux gens que le fait d'avoir touché ou d'embrasser la pierre, c'est le fait de suivre, ce n'est que suivre le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, Omar ibn Khattab, il défend quoi? Il défend le monothéisme. Là, Omar ibn Khattab, il a vu que la situation, qu'il faut qu'il montre aux gens que ce n'est pas la pierre en elle-même, c'est le suivi du messager alayhi salatu wasalam, et qu'on ne doit pas vénérer les pierres, ni les arbres, ni quoi que ce soit. On doit vénérer Allah subhanahu wa ta'ala et réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi ils étaient ridwanullah alayhim. Maintenant autour de nous des gens tournent autour des tombes et tu entends certains, laisse-le, il va comprendre. Miskin, attends un peu, ne sois pas dur avec. ثم قال ابن حجر رحمه الله وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. ابن حجر veut dire dans cette parole de Omar ibn Khattab, c'est la soumission totale au législateur en ce qui concerne la religion, et c'est le summum du suivi, du fait de suivre les choses dont on ne connaît même pas le but. Il dit, il y a une règle énorme, c'est que dans le suivi du messager alayhi salam, on le suit dans ce qu'il a fait, même si on ne sait pas le but et la sagesse de l'acte. وانظر موقف عمر بن الخطاب في حماية التوحيد عندما قطع شجرة الرضوان. Et regarde la position de Omar ibn Khattab radiallahu anhu arda, pour la défense du monothéisme quand il a donné l'ordre de couper l'arbre de l'agrément, l'arbre de l'allégeance de l'agrément. وهذه الشجرة هي التي بايع المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Et cet arbre, l'arbre de l'allégeance de l'agrément, c'est l'arbre sur lequel les croyants ont donné l'allégeance à Muhammad alayhi salatu wassalam. Et le verset de dire, Allah a agréé les croyants quand ils t'ont fait l'allégeance, c'est l'arbre. Akhraj ibn Sa'd, ibn Abi Shayba, wa huwa kadhalika عند الحافظ وإسناده جيد إسناده صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة شجرة الرضوان فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت رضي الله عن عمر بن الخطاب. إيه بن سعد ainsi que بن أبي شيبة الحافظ dans Fath al-Bari, de rapporter avec une chaîne de transmission authentique de Nafi' qu'Omar ibn Khattab lui est arrivé, on lui a transmis comme quoi les gens venaient sur l'arbre de l'agrément, prier sur l'arbre de l'agrément. Omar ibn Khattab leur a fait un avertissement, un énorme avertissement, et il a donné l'ordre qu'on coupe cet arbre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée le Farouk de cette coupe. Communauté, ces fermes résolutions, ces fortes résolutions et ces positions très fortes dans la défense de cette religion et dans le fait de défendre la chose la plus importante dans cette religion qui est le monothéisme. فموقف أمير المؤمنين هذا كان في حماية جناب التوحيد والقضاء على موارد الفتن حيث قام أولئك التابعون بعمل لم يعمله الصحابة وهو أمر مبتدع وقد يؤدي بعد ذلك إلى عبادة فأمر بها. Et donc la position du prince des croyants, c'est une position qui est un fait de défendre, qui est la défense du monothéisme et de couper court à toutes les sources de la perturbation de la fitna, car ces nobles successeurs des nobles compagnons, Ridwanullah alayhim, ont fait un acte que les compagnons n'ont pas fait eux-mêmes. Donc c'est quelque chose d'innové qui va peut-être amener à une adoration qui n'a pas été ordonnée. Et c'est pour ça qu'Omar ibn Khattab a donné l'ordre du fait de couper cet arbre. وعمر بن الخطاب كان شديدا في هذا الأمر وكان يمنع أن يتتبع الناس الأماكن للصلاة فيها. عمر était très ferme à ce niveau-là. Il interdit aux gens de suivre les endroits où priait le prophète عليه الصلاة والسلام et y priait. ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في السفر فرأى قوما ينتابون مكانا يصلون فقال ما هذا؟ قالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر إنما هلك من كان قبلكم بهذا إنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. جاء في المصنف عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وذكره ابن تيمية رحمة الله عليه في مجمع الفتاوى وإسناده صحيح كما عند ابن تيمية رحمه الله تعالى. Et il a été rapporté par une chaîne de transmission authentique de Omar ibn al-Khattab, comme il est rapporté dans le Moussanaf de Abd al-Razzaq, rahimahullah, et le Moussanaf d'Ibn Abi Jaiba, et dans le fatawa de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, alayh, que Omar ibn al-Khattab, il était lors d'un voyage, il a vu des gens faire la queue pour aller prier à un endroit. Ils allaient vers cet endroit et prier. Il leur a dit, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Il dit, c'est un endroit où le messager d'Allah a prié. Et Omar leur a dit, ceux avant vous ont péri en agissant ainsi parce qu'ils ont pris la trace de leur prophète alayhi salam comme endroit de prière. Celui qui est arrivé à un endroit et c'est l'heure de la prière qu'il prie, et celui qui arrive à un endroit et que ce n'est pas l'heure de la prière qu'il continue son chemin. Regardez, les gens ont voulu prier à la place où priait le messager alayhi salam dans cet endroit-là. Et comme Omar ibn Khattab avait une clairvoyance plus loin, et il savait ce qui s'est passé aux autres populations, il leur a interdit pour que cette communauté ne tombe pas dans les mêmes situations dans lesquelles sont tombés les juifs et les chrétiens. يقول أهل العلم أنك لا تتقصد أن تصلي بمكان بذاته إلا إذا كان إلا إذا جاء في ذلك دليل. سلا veut dire, les hommes de science disent, cela veut dire qu'on ne doit pas donner, prier dans un endroit en particulier, sauf si tu as une preuve. Donner une particularité à un endroit pour y prier, sauf si tu as une preuve. فَنْدُرْ كَذَلِكَ فِي قَدْيَتْ لِسْتِسْقَى طَلَبْ الْمَطَرِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى استسقى عمر بن الخطاب بالعباس. Et regarde maintenant comment عمر بن الخطاب a mis en avant العباس pour demander la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire pour que l'Abbas leur fasse dua. Dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, Anas, radiyallahu anhu wa ardah, yaqul, anna Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa ardah, istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib, radiyallahu anhu. Faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam fatusqina ay bi du'ai hayyan walau kana yatawassalu bihi mayitan latawassala bihi Umar walamma ihtaja ammuhu al-Abbas liyad'u lah وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ وَلَمَّا احْتَاجَ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ لِيَدْعُوَ لَهُ وَإِنَّمَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. Regardez maintenant pour comprendre, voir que le faux dans lequel ceux qui demandent à Rasoul Sallallahu Alayhi Wasallam étant morts. Anas de dire, dans ce qui est rapporté par l'Imam Bukhari, qu'Omar ibn al-Khattab a demandé à l'Abbas de faire dua, de se mettre en avant pour faire dua pour que la pluie tombe. Et Omar ibn al-Khattab a dit, oh Allah, auparavant, on te demandait la pluie par le dua de notre prophète alayhi salatu wasalam qui était vivant. C'est-à-dire, on le mettait en avant pour qu'il ne fasse dua. Et si, disent les hommes de science, comme il est rapporté chez l'imam Bukhari, si on avait le droit de demander à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et de le prendre comme intermédiaire une fois qu'il était mort, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, n'aurait pas demandé, n'aurait pas besoin de demander à l'Abbas de faire dua. Et il a dit, oh, auparavant, on mettait, notre prophète se mettait en avant pour faire dua. Hein? Et maintenant, on met son oncle, l'oncle de notre prophète, alayhi salam, pour que tu ne fasses tomber la pluie. C'est-à-dire, on met au devant l'Abbas, qui est l'oncle du prophète, alayhi salam, pour qu'il fasse dua, pour que, ya Allah, tu puisses nous donner la pluie. فتقدم العباس ودعا بهذا الدعاء اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكارم نبيك وهذه أيدينا بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث فارخت السماء مثل الجبال حتى أخضبت الأرض وعاش الناس إذوسكي غابورتي دون فتح الباري لانتخبتاسون صحيح مسلم العباس سيمي اون افون الى كومون الى لوفي سيما الى كومونسي ا فير دعاء الى دي او الله شاك ايبروف كي دي سون اي شاك كاتاستروف كي اريف سي ا كوز دي بيشي اي il ne peut être dissiper qu'avec un repentir. Et les hommes m'ont demandé, m'ont mis en avant pour te demander parce que j'ai une relation avec le prophète alayhi salam de ma place vis-à-vis du prophète alayhi salam. Ça, ce sont nos mains qui sont levées avec nos péchés. Et nous sauvons devant toi et nous nous repentons, ya Allah. Hein? Fais descendre la pluie sur nous. Et tout d'un coup, après le dua de l'Abbas, la pluie est tombée comme des montagnes et la terre a donné ses fruits et les gens ont pu avoir des choses pour vivre. Et tu vois encore une fois là, hein, Omar Bukhtab, il n'a pas demandé aux morts à Rasulullah s.a.w. dans sa tombe. Mais là, nous en avons quelqu'un qui a des vertus. Pour sa relation avec le messager alayhi salatu wasalam, qui était l'oncle du prophète alayhi salatu wasalam, pour faire dua directement et eux derrière lui. Hein? Et donc là encore, Omar ibn Khattab nous montre, hein, la voie du monothéisme. Et là encore, il protège. Cette position te montre, hein, la jalousie qu'il avait, radiallahu anhu arda, pour le monothéisme. Et comment dans tous ses actes, dans tout ce qu'il fait, il fait apparaître et mettre en avant le monothéisme. Omar ibn Khattab akhal Islam, yuhakkiku bi nafsi fi shakawa al-ra'iyati di dawlatihim. Et sache frère Allah, Azza wa Jal, qu'Omar ibn Khattab, le prince des croyants lui-même, il enquête sur les plaintes que faisaient les populations derrière ses gouverneurs. Derrière les représentants de Omar ibn Khattab dans différents départements. من الأمثلة على هذا شكوى أهل الكوفة في سعد بن أبي وقاص. Et fait partie de ces grands exemples la plainte des gens de Koufa concernant Sa'd ibn Abi Waqqas qui était leur préfet, le représentant de Omar ibn Khattab sur le Koufa. شكى أهل الكوفة سعدا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمار. Et les gens de Koufa se sont plaints de Sa'd ibn Abi Waqqas au prince des croyants Omar ibn Khattab. Et il l'a mis de côté et il l'aura envoyé comme gouverneur, hein, ou comme préfet si vous voulez, Ammar ibn Yasir رضي الله عنه وارضاه. فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. Et ils se sont plaints de Sa'd ibn Abi Waqqas jusqu'à ce qu'ils ont dit, hein, dans leur plainte, comme quoi Sa'd ibn Abi Waqqas ne savait pas faire la prière, ne faisait pas bien la prière. فارسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. Et il lui a envoyé de venir, et quand il est venu, il lui a dit, ceux-là prétendent que tu ne sais pas, que tu ne perfectionnes pas la prière. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي العشاء فأركض في الأولين أي أطيل وأخف في الآخرين في الأخرين. إيه سعد بن وقاص ها Sa'd ibn Abi Waqqas de dire, quant à moi, par Allah, je faisais la prière du messager alayhi salam avec eux. J'accomplissais la prière du messager alayhi salam. Je faisais la prière du Isha, les deux premières rak'at, je les faisais longues. Et les deux dernières, je les faisais moins longues. قال عمر ذاك الظن بك يا ابا اسحاق اي عمر بن الخطاب lui a dit c'est ce que nous croyons en toi, notre croyance sur toi c'est ça, c'est que tu agis tu comme il se doit. فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفه فسال عنه اهل الكوفه ولم يدع مسجدا الا سال عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له اسامه بن قتاده يكنى با سعد وهم الذين شكوا على سعد قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسيوية ولا يعدل في القضية. Et عمر بن الخطاب a envoyé avec Abba Ishaq, c'est-à-dire avec Saad ibn Abi Waqqas, il a envoyé avec un homme ou quelques hommes pour aller enquêter sur l'affaire dans la ville de Koufa. Et ils sont allés dans toutes les... Ils n'ont pas délaissé une mosquée. Toutes les mosquées, ils y sont allés. Et les hommes qui étaient avec Abba Ishaq, avec Saad ibn Abi Waqqas, demandaient aux gens. Et les gens ne faisaient que faire les éloges de Saad ibn Abi Waqqas. Et tout d'un coup, ils sont arrivés à une mosquée. Et la mosquée qui appartenait à Bani Abs. Et un homme s'est levé, et cet homme s'appelait Oussama ibn Qatada, et sa cunia était Abba Sa'da. Et c'est eux qui se sont, cette famille-là, c'est Banu Abs qui se sont plaints de Sa'd. Et ils ont dit aux émissaires, aux ambassadeurs de Omar ibn Khattab, puisque tu nous demandes par Allah, sache que Sa'd ne sortait pas avec les groupes à la bataille. Et Sa'd ne partage pas équitablement. Et Sa'd n'est pas juste dans ses jugements. Hein? قال سعد أما والله لأدعو النبي ثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. Sa'd s'est levé, il a dit oh par Allah, il a dit par Allah je vais faire trois duas, je vais faire le dua avec trois choses. « Oh Allah, c'est ton serviteur, celui-là, est un menteur. » C'est-à-dire, Oussama ibn Qatada, qui s'est levé, qui a dit ces choses sur Sa'd. Il dit, si c'est ton serviteur, il est menteur, et il s'est levé par ostentation, et pour se faire connaître, allons sa vie, et fais qu'il soit pauvre, et expose-le au fitan. « Wa kana ba'du ida su'ila ayhada al-rajul yaqul » شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الله قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن والحديث صححه الإمام الألباني والحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى وغفر له. Après ce vieux, cet homme, Allah subhanahu wa ta'ala exauce le dua de Sa'd ibn Abi Waqqas. Et cet homme est devenu vieux et perturbé. Et il disait dans les ruelles du Koufa, hein, quand on lui pose la question, il leur dit, je suis perturbé, je suis un vieux perturbé. J'ai été touché par le dua de Sa'd. Abdel Malik de Dihir, je l'ai vu. Ses sourcils sont tombés sur ses yeux. Hein, avec la vieillesse, il... Dans les ruelles de la ville, il arrêtait les petites filles et il leur faisait des clins d'œil. Regardez comment dua de ce noble homme a touché cet homme et comment Allah subhanahu wa ta'ala exauce son dua. كيف لا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم استجب لسعد إذا دعاك. Et ça ne peut pas être autrement. Dans le hadith authentifié par Sheikh Nasr rahmatullah alayh sur dans son intermédi, le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit où Allah exauce à Sa'd quand il te demandera. كيف لا يكون الأمر كذلك وهي دعوة المظلوم على من ظلمه ودعوة المظلوم مستجابة عند الله تعالى ومع ذلك عزله عمر ووضع مكانه عمارا ووضع سعدا مستشارا عنده في المدينة. Et ça ne peut pas être autrement. Le dua de celui sur qui on a commis une injustice, il est exaucé min Allah subhanahu wa ta'ala. Et tôt ou tard, il sera exaucé. Et celui qui a commis une injustice sur quelqu'un, il sera atteint par le dua de celui qui fait dua contre lui. Et malgré tout ça, Omar ibn al-Khattab a mis de côté Saad, radiyallahu anhu wa ardah. Et il l'a remplacé par Ammar sur le Koufa. Et il a gardé Saad en tant que conseiller à Médine. Et il a gardé Saad en tant que conseiller à Médine. ومن مواقفه رضي الله عنه وارضاه أنه كان وقافا عند كتاب الله. Il fait partie des nobles positions de Omar ibn al-Khattab, c'est que il s'arrêtait devant les versets, il les dépassait pas. Quand on lui récite un verset, qu'on lui rappelle quelque chose dans la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, il la dépasse pas, il s'arrête. عمر بن الخطاب يضرب لنا المثال مثالا أعلى في الوقوف عند كتاب الله. Et عمر بن الخطاب nous a laissé des positions énormes concernant le fait qu'il s'arrête devant le livre d'Allah et devant la parole d'Allah سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجهة عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر. ابن عباس نذير كعيينة بن حصن est venu voir le fils de son frère الحر بن قيس et le fils الحر بن قيس était parmi ceux qui étaient proches de Omar ibn al-Khattab et il était dans les assises de Omar ibn al-Khattab. Uyayna a dit à son au fils de son frère: ô fils de mon frère, tu es proche de cet homme, du prince, demande l'autorisation que je puisse rentrer avec toi chez lui. Omar ibn al-Khattab lui a donné l'autorisation. فَلَمَّا دَخَلَ قَالْ هِيَا وهي كلمة تنبيه وتحمل معنى التهديد يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل أي شيء الكثير ولا تحكم بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به أي العقوبة. يكونت هاد بن عينة يغنطخي إلا دي une phrase إلا دي أمو c'est un avertissement, c'est comme si tu menaces quelqu'un. هي Hiya, et c'est une phrase, et c'est un mot avec lequel tu attires l'attention. Il a dit Hiya, ô Khattab, par Allah, tu ne nous donnes pas beaucoup, et tu n'es pas juste dans ton jugement. Omar ibn Khattab s'est mis en colère, il a failli le châtier. فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. Et الحر qui a demandé la permission que l'Unayna de rentre, c'est-à-dire le neveu de l'Unayna, a dit au prince des croyants, Allah il a dit à son messager, pardonne et ordonne le bien et détourne-toi et donne le dos aux ignorants. Et celui-là, il fait partie des ignorants. En parlant de son oncle qui a osé dire ces paroles devant le Farouk radiallahu anhu arda. Et par Allah, le rapporteur du hadith, Ibn Abbas, veut dire par Allah, Omar ibn Khattab n'a pas dépassé ce verset quand il l'a entendu. Et il était un homme qui s'arrêtait devant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala. عندما سمع عمر الآية عفا عنه. لماذا؟ لأنه تربى على يدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعرض عن هذا الإنسان الذي اعتدى عليه بغير حق. Et quand tu as vu comment Omar ibn al-Khattab, quand il a entendu le verset, il a pardonné à cet homme. Parce qu'il a été éduqué par Muhammad alayhi salatu wa salam. Et c'est pour ça, il a donné le dos et il a excusé, il a pardonné cet homme qui a été injuste vis-à-vis de lui. Omar ibn al-Khattab était un grand adorateur et très généreux. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda yaqoumu min al-layl fayusalli. Omar ibn al-Khattab se levait une partie de la nuit, il l'avouait à la prière. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. وقال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخذ هذا بالجزم، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة. والحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في سنن أبي داود. Abu Qatada de nous rapporter dans ce qui a été authentifié par Sheikh Nasr rahimahullah ta'ala dans Sunan Nabi Daoud que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, quand est-ce que tu fais ton witr? Abu Bakr lui a dit, je le fais au début de la nuit. Et il a dit au Omar, quand est-ce que tu fais le witr? Il lui a dit, je le fais vers la fin de la nuit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr après, jazm, c'est-à-dire ce qui est réfutable. Et Omar, et il a dit à Omar, toi tu as pris la force. Ainsi il était radiyallahu anhu wa arda. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yuktir min siyam al-tatawu'. قال زياد بن حدير رحمه الله رأيت عمر بن الخطاب أكثر الناس صياما وأكثرهم سواقا. Ceci. Et Omar ibn al-Khattab faisait partie des gens qui faisaient beaucoup de jeûnes surrogatoires. Ziyad ibn Hudayr, il a dit, j'ai vu, rahimahullah, j'ai vu Omar ibn al-Khattab, je l'ai vu parmi les gens qui faisaient beaucoup de jeûnes et qui donnaient beaucoup aux autres. يقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض أجد ولا أجود من عمر. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Et Omar, Abdullah ibn Omar de nous dire, je n'ai pas vu quelqu'un après le messager alayhi sallatu salam, depuis la mort du messager alayhi sallatu salam, quelqu'un qui était, qui faisait beaucoup d'actes et qui était très généreux tel que Omar. Qui faisait beaucoup d'actes et qui était très généreux tel que Omar. Ceci est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala. يقول عمر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا رضي الله عن عمر وعن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين كانوا يتزارعون إلى الخيرات. Et Omar de nous dire, dans un hadith authentique, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire l'aumône, hein? Il dit, cela a concordé avec de l'argent que j'avais. Et je dis, aujourd'hui, je vais faire mieux que Abu Bakr Siddiq. Aujourd'hui, je vais devancer Omar à Abu Bakr Siddiq. Et j'ai ramené la moitié de l'argent que j'avais et je l'ai donné à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasoul m'a dit, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? J'ai dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai laissé la même chose, c'est-à-dire la moitié, j'ai pris la moitié et j'ai laissé la moitié à ma famille. Abu Bakr Siddiq a amené tout ce qu'il avait, radiyallahu anhu wa arda. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Et Abu Bakr de lui dire, rien, je l'aurais laissé à Allah et son messager. Omar ibn al-Khattab de dire, depuis ce jour-là, j'ai compris que jamais je vais pouvoir devancer Abu Bakr Siddiq et jamais je vais chercher à le devancer. Ainsi ils étaient redouanullah alayhim, un suivi total et une concurrence dans les bonnes œuvres. Ils accouraient vers les bonnes œuvres. وعن زيد بن أسلم عن أبي قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبيانا صبية صغارا والله ما ينضجون كراعا وهو ما دون كعب الشاة ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاه بن إماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وتيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتاذيه فلن يفني حتى يأتيكم الله بخير فقال رجل يا أمير المؤمنين أكترت لها قال عمر ثكلتك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخا قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهمنهما فيه فهؤلاء هم الرجال الذين فتحوا الدنيا من مشرقها إلى مغربها. من الله عز وجل زيد بن أسلم le rapportant de son père, il a dit je suis sorti une fois avec Omar Bulkhtab vers le marché. Tout d'un coup une jeune femme est arrivée voir le prince des croyants. Il lui a dit oh prince des croyants, mon mari est mort. Il a laissé des petits enfants. Ils ont rien à cuire, ils ont rien à manger, ils ont même pas ce qui est au plus bas de là, des pâtes de la brebis. Ils n'ont pas de grain, pas de farine, et rien à traire. Ils n'ont aucune bête à traire pour avoir du lait. Et j'ai peur que les hyènes les mangent. Et je suis la fille de Khufaf, ibn Ima al-Ghifari. Et mon père a vécu le Hudaybiya avec le messager d'Allah. Et Omar ibn Khattab s'est arrêté avec elle. Il ne l'a pas dépassé. Il lui a dit, bienvenue à une personne qui appartient à une famille très proche. Et il est allé chercher un dromadaire qui était attaché dans la maison. Et il a mis de la nourriture dessus, beaucoup de nourriture dessus. Et il a ramassé des vêtements et un peu d'argent. Et lui a donné la reine de ce dromadaire. Il lui a dit, conduis-le. Et ces provisions ne vont pas finir jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous ramène le bien. Un homme a dit, ô prince des croyants, tu as donné beaucoup à cette femme. Omar al-Khattab l'a regardé, lui a dit, si ta mère ne t'avait pas mis au monde, par Allah, je vois encore son père et son frère siéger à une certaine époque, un endroit, jusqu'à ce qu'on les conquérit. Et après, on a pris le butin et ainsi de suite. Ceci est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Regardez comment Omar ibn Khattab reconnaît la valeur de cette femme. Et regardez comment il s'est acquitté de ses enfants, qui n'ont rien à manger. Et regardez comment il était et comment il a réprimandé cet homme qui lui a dit que tu lui as donné beaucoup. Comment il a remis à sa place. Radiyallahu anhu wa arda. Cela, ce sont les hommes qui ont conquis ce monde de l'est à l'ouest et qui ont propagé l'islam. Radiyallahu anhu al-Farouq. Wa radiyallahu anhu al-Sahbi al-Kiram. Ridwanullahi alayhim. Et on arrête là, incha'Allah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ash'hadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا